maison, dans ma chambre, je joue avec ma poupée. Je lui fais des câlins tendres, car je suis son fiancé. Quand on joue à la marchande, je lui vends des choux, des cigales, des salades et de la viande, et des tomates à pédales. Des tomates à pédales. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. Je descends dans la cuisine et je mets mon tablier pour copier sur la voisine, et je prépare le dîner. Une soupe à la grimace avant de manger comme dessert, une tarte à la limace avec un gâteau en fer. Un gâteau en fer. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. Quand papa fait ma toilette le soir au fond de mon bain, je prends mon savon à lunettes et je fais le sous-marin. Sous l'eau je vois des crevettes, des méduses et des requins. Les unes jouent de la trompette, les autres du tambourin. Du tambour quoi ? Tambourin. Ah ! C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. Le mercredi, pas d'école, je reste dans le jardin pour cultiver des bricoles et arroser les lapins. J'ai planté des parasols pour protéger le gazon. Quand j'y sème des paroles, il y pousse des chansons. N'importe quoi. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. Je veux être tranquille, je prends le grand escalier. Après 2 heures difficiles, j'arrive enfin au grenier. J'y retrouve mes copines autour d'un verre de coca. Les araignées sont en jean, les souris en chocolat. Et non, en bermuda. Ah ! C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. J'aime dire des bêtises, raconter n'importe quoi, m'enfermer dans les valises et me cacher sous les draps. Même si ma maman rigole quand elle m'attrape quelquefois, je lui dis c'est à l'école que j'apprends tout ça. C'est une chanson folle, un peu comme nous, pour que les gens rigolent et chantent avec nous. C'est une chanson folle, un peu comme nous.